Ouais, je suis peut-être l'emmerdeur de service dans la rue. Toujours au service de la violence, mais c'est la loi car la rue tue. Mais t'inquiète pas, y'a que devant la femme que je m'adoucis. Même si je fais partie de ces gars qui jouent les gros bras dans la Tessie, y'a pas de soucis. Devant la femme, je baisse ma garde, vu que c'est dans ses bras que je retrouve des airs de ma mère et son regard. Quand elle m'apporte toute la tendresse, je manque à l'équilibre de ma vie. L'homme en famille, quand je pars en vrille, y'a quelqu'un qui me remet en bonne voie. Moi, je vous l'avoue, je suis pas très souvent romantique, mais pour le jour de la Saint-Valentin, c'est pas très sympathique. Mais malgré que je sois pas du genre caresse de balade, main dans la main, j'respecte sans cesse celle qui pourrait devenir la mère du monde demain. Chaque homme doit le respect à la femme, entre guillemets, le sexe faible, c'est pas des fables, elle contribue à l'avenir du monde en effet. Elle donne la vie dans la souffrance, reste sacrifié pour ton fils. Quand tout va mal à tes côtés, paré à tous les sacrifices, alors respect. À toute la jante féminine, la vie au mec c'est son pour tout de faire les machos avec mes dames. Ça sert à rien la traiter comme une pute devant tes potes, car moi je sais que seul dans ta chambre tu verses des larmes quand elle te plaque. Moi je sors de mes gants quand on les manipule sans les gants, alors qu'elle mérite une délicatesse élégante. Et ouais, je l'affirme, je respecte la femme sous toutes ses formes, et peu importe son apparence, ne vous fiez pas à l'uniforme. La femme est une déesse depuis le début de l'humanité. Mais en ce jour, le monde écorche, tu marches par tes obscénités. Alors cessons de nous comporter comme à les femelles animales, en évitant toutes relations qui ne sont pas sentimentales. Faudrait beaucoup plus de romance dans notre train de vie quotidien. Les boys, moins d'arrogance, afin qu'il n'y ait plus jamais folle, moins d'adultère et plus jamais aucune femme battue ou soumise. Et que les man ici arrêtent de penser qu'à la baisse et aux bises. Beaucoup de gars se le racontent avec leur dos, car il paraît que toutes les rats aiment les lascars. Mais cette époque est dépassée, faut qu'ils comprennent. En 2004, faut faire l'amour et non la guerre, ou juste unir avec l'âme sœur jusqu'à la mort. Et ouais, les mecs, y'a que la douceur qui porte ses fruits aujourd'hui. Alors arrête de faire le beau avec ta belle. Écoute ce que je dis, respecte la femme. Surnommée non plus du monde, elle le mérite. Elle donnera la vie à tes membres. Je sais que ça choque pour un mec comme moi du bitume de parler d'amour et du respect envers la femme avec sa plume. Ça paraît chum, mais cette fois-ci, c'est le poète qui les peint. J'avais trop de choses sur le cœur, fallait bien que je les sorte quelque part. Donc, avec l'aide du RAP, je m'adresse au monde de demain. Même si c'est dur de passer le message, prends mon courage à demain. Histoire de changer le comportement de tous les hommes envers la femme et condamner ceux qui déclarent que déclarer sa femme c'est mal.